Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quel discours, mes amis, mais quel discours. Le 17 juillet 1979 à Strasbourg, devant le Parlement européen qui vient tout juste d'être élu, Louise Weiss prend la parole devant les députés. Elle est députée, elle a 86 ans. Elle est présidente car elle est doyenne et la joie se lit sur son visage. Aujourd'hui, je me trouve à ce fauteuil en application de l'article 6 du paragraphe 1 de notre règlement qui prévoit qu'à la présente séance, la plus âgée des membres, c'est moi, remplit la fonction de président jusqu'à la proclamation de l'élection du président. Je déclare donc ouverte la séance constitutive du Parlement européen. Et pour ma part, je déclare ouvert ce cours de l'histoire. Bonjour Christine Barre. Bonjour. Bonjour Yves Denecher. Bonjour. C'est l'Université d'Angers qui est avec nous aujourd'hui, deux professeurs de l'Université d'Angers, pour parler de Louise Weiss. Je disais, la joie se lit sur son visage. Ah, cette joie, c'est un discours qui clôt les combats d'une vie entière. Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie. Il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre, en amoureuse de l'Europe et pour tâcher de formuler avec vous, avec votre approbation, les angoisses et les espérances qui tourmentent, qui soulèvent notre conscience collective. Une amoureuse de l'Europe. Christine Barre, on peut vraiment dire ça? Elle se qualifie ainsi, Louise Weiss. C'est une amoureuse de l'Europe? Oui, c'est une pionnière. On va y revenir pendant cette heure qui lui est dédiée. Moi, je retiens dans ces extraits la doyenne, c'est moi. Il y a toujours une manière d'imposer son moi qui est assez caractéristique de Louise Weiss. L'humour, la créature. Et puis le plaisir qu'elle a à être présidente, même si c'est présidente d'un jour. Elle aurait aimé être présidente de la République. En 1965, elle s'est posé la question. Et puis, bon, elle n'était pas soutenue pour mener cette aventure vouée à l'échec. Mais elle avait de grandes ambitions. Et donc, c'est vrai qu'au soir de sa vie, c'est une grande joie. Maintenant, on va examiner de plus près sa vie. Oui. Et sa manière de la raconter, parce qu'une des caractéristiques de Louise Weiss, c'est d'avoir écrit des mémoires qu'il faut examiner avec un œil d'historienne ou d'historien. Voilà, et les différentes phases de sa carrière. Elle traverse le siècle, hein, on peut dire ça, Yves Denecher, avec cette subtilité toujours en écho à ce discours de 1979 au Parlement européen. Elle est présidente parce qu'elle est doyenne et elle est élue aussi, sans doute parce qu'elle a su convaincre d'être bien placée sur les listes électorales. Comme ça, la certitude était qu'une Française serait la présidente, la première de manière temporaire. On peut dire la présidente élue, ensuite c'est Simone Veil. une Française aussi. Oui, bien sûr, et elle parle d'une vocation de jeunesse miraculeusement advenue. Et c'est vrai que son engagement européen, européiste, c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres, c'est plutôt les années 20, en fait. Mais elle ne va pas du tout participer à la construction communautaire dans les années 50. Et ça, c'est peut-être un point qui est intéressant sur lequel il faudra qu'on revienne, parce que là aussi, la longévité de Louise Weiss, le fait qu'elle ait publié ses 6 tomes de mémoire à partir de 1968 va aussi créer le personnage de Louise Weiss et laisser les traces qu'elle entend elle-même laisser. Elle construit le récit de sa vie, elle construit son parcours. Et dans ce parcours, bah, il y a aussi des zones d'ombre, il y a aussi des parenthèses. Et donc, quand elle dit dans l'extrait qu'on a entendu jamais je n'aurais osé espérer, etc., elle était... avide de reconnaissance, de beaucoup de reconnaissance, notamment sur la fin de sa vie. Et donc effectivement, quand Jacques Chirac lui dit « Vous serez notre first lady sur la liste du RPR en 79 », elle est à la fois la caution européenne de Chirac et du RPR, et elle sait par avance qu'elle sera élue, par avance qu'elle sera la doyenne, et par avance qu'elle aura la volupté, comme elle disait, de faire ce discours. Ah oui, puis c'est une volupté aussi de l'écouter. Un très long discours, hein, ça ne dure pas loin de 2 heures. Elle est là, debout, son collier de perles. Et bah voilà, elle résume l'ensemble alors de son existence, de sa pensée. Mais évidemment, et Christine Barr, vous l'avez dit avec justesse, une vie sans cesse revisitée par elle-même. Hein. C'est vraiment un personnage qui construit sa légende, on va le dire. Oui, le premier volume de ses mémoires date de 1938. Elle a 45 ans quand elle publie ses souvenirs d'enfance. Et en remaniant toujours beaucoup les choses. Donc il y a tout un travail de critique qui a été fait notamment par sa biographe Célia Bertin. Ce serait bien de lui rendre hommage parce qu'elle a fait un beau travail. Une biographie publiée chez Albin Michel. D'ailleurs, Christine Barr, Louise Weiss bénéficie d'une entrée dans votre dictionnaire des féministes parce que on l'associe souvent au féminisme, mais pas seulement. Parce que ça a la complexité. Hein. Dans cette longue existence, elle est née en 1893 à Arras. Elle traverse donc le siècle et même ces deux conflits mondiaux. Enfin, elle est porteuse de toutes ces questions qui traversent ces siècles. Alors, pour le féminisme, c'est complexe aussi. Hein. Ces prises de position à un moment ne correspondent pas aux attentes des féministes de ce moment-là et surtout des attentes postérieures. Oui, tout à fait. Bon, elle a vécu 90 ans. Le féminisme représente 3 ans entre 1934 et 1937 dans sa vie, où elle réussit à faire la une des médias. On y reviendra peut-être. Hein, elle est journaliste. Elle sait comment manier les médias et comment réaliser des actions spectaculaires. Mais elle est très critiquée par les féministes de son temps. Elle est très injuste avec elle aussi dans ses mémoires. Et ses mémoires ont souvent été une référence quand même, enfin ça date un peu, mais dans les premières approches de l'histoire du féminisme en France, on avait tendance à suivre ce jugement très négatif qu'elle portait sur les féministes des années 20 et des années 30. Donc dans la notice du dictionnaire des féministes et puis dans mon travail de thèse, dans Les filles de Marianne, je recontextualise cette action de Louise Weiss parmi d'autres. Oui. C'est ça. Et par rapport à la postérité, évidemment, il y a ces positions dans les années 70. En fait, déjà dans les années 30, hein, dans la continuité, position nataliste, familialiste, hostile à l'avortement. Elle a écrit en 1973 « Lettre à un embryon ». Donc, elle a des positions clairement conservatrices sur ce plan-là. Et d'ailleurs, dans son discours de 1979 au Parlement, elle le dit bien, hein, on sent en gros... européenne, faite des enfants, c'est un peu à la teneur... Opposée à la loi Veil. Ouais. Elle pense que c'est une conquête masculine, je la cite. Oui, voilà, donc personnage complexe pour le féminisme, mais comprendre son féminisme, c'est aussi comprendre l'ensemble de ses engagements, et notamment pour l'Europe, et vous l'avez dit avec justesse, hein, Yves de Necher, ce n'est pas tellement pour la construction européenne, c'est plus une réflexion sur ce qu'est l'Europe. Elle vient de quel milieu social? J'ai dit, elle est née en 1893 à Arras. Elle vient d'un milieu bourgeois, alors ils vont rester très peu de temps à Arras, néanmoins qui va lui rendre hommage le 22 mai avec une conférence, une exposition, etc. Mais c'est une famille bourgeoise d'origine alsacienne. Son père est installé, est connu, travaille dans les charbonnages, va jouer un rôle important au début de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, où il va d'ailleurs mobiliser sa fille pour l'aider dans sa tâche, même si il a une relation, mais Christine pourra peut-être le dire, un peu complexe et compliquée avec cette fille qui est l'aînée de 6 enfants, qui fait des études, qui passe l'agrégation, qui veut s'émanciper. Mais en face, il y a ce poids justement de cette famille bourgeoise. Et c'est effectivement quand elle prend la direction du journal L'Europe Nouvelle, de la revue L'Europe Nouvelle, eh bien qu'elle va effectivement participer, à ses réflexions sur ce que doit être l'Europe. Et elle est européiste, elle suit les idées de Coudenhove-Kalergi sur le commerce, de d'autres dans d'autres domaines. Elle est surtout briandiste, c'est-à-dire que c'est Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères emblématique de l'époque, les accords de Locarno, la réconciliation franco-allemande, etc. C'est surtout Aristide Briand qui l'inspire, c'est lui qu'il suit. Elle suit aussi Édouard Herriot, le président du Conseil en 24 du cartel des Gauches. Et l'idée que c'est à la SDN, à la Société des Nations, à Genève, que peut se constituer une grande famille européenne, une fédération d'États européens. Briand l'annonce en 1929. Le temps qu'il propose le projet en 1930, la crise est arrivée et donc on est passé déjà à autre chose. Mais c'est surtout ce rôle-là qui est d'avoir une vision des enjeux de l'Europe dès la fin de la Première Guerre mondiale qui fait d'elle plus qu'une constructrice de l'Europe, mais une précurseur, en fait, des idées européennes et de la construction européenne. Elle a 21 ans, hein, quand éclate la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle est consciente de tout cela. Vous nous avez dit qu'elle est originaire d'Alsace. Est-ce que ça a un lien à toute cette réflexion, cette zone frontière ? Oui, bien sûr, le patriotisme, hein, parce que son père est obligé, enfin, part du côté français en 1871. Donc, on sait très bien que chez ces Alsaciens lorrains, il y a un patriotisme, un républicanisme très, très fort qui lui est transmis, qu'elle cultive. Il y a des faits de son éducation qui méritent d'être retenus et mentionnés et qui expliquent son engagement européen. Déjà, le fait d'appartenir à une famille européenne avec des liens familiaux avec l'Allemagne, avec l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Donc tout ça, c'est la marque d'avoir une arrière-grand-mère qui parle allemand, d'être envoyée pour parfaire son éducation de bonne ménagère en Allemagne, dans une école pour les filles de la bourgeoisie, dont elle va presque s'enfuir au bout de quelques semaines. C'est une bourgeoisie libérale, elle est très attachée à son grand-père qui est un maternel, qui est un grand ophtalmologue, un chercheur très, très engagé. En fait, sa famille est très engagée, c'est une famille libérale, sensible au progrès social, à la philanthropie, très, très riche, mais qui cache un peu cette richesse. Et il y a aussi le fait que son père est protestant, sa mère est juive, et il y a une morale, hein, qui lui est inculquée, une morale assez sévère. Sur certains plans, par exemple, et notamment sévère pour les filles. Il y a une scène qu'elle raconte qui m'a beaucoup marquée. Sa mère l'accompagne pour acheter une sorte de chemise de nuit. Et la vendeuse propose une chemise de nuit avec quelques dentelles. Et la mère s'enfuit épouvantée en criant quelle chiennerie. Et elle se dispute avec la vendeuse. Et Louise Weiss a vraiment beaucoup souffert de cette sévérité maternelle et de ce puritanisme. Oui, c'est ça, sévérité, puritanisme, on l'entend. Alors, ouais, manque d'affection, ouais. Hein, on peut le dire aussi, mais il y a quelque chose qui relève de l'éducation des filles comme des oies blanches à cette époque-là. Et elle se révolte quand même assez vite contre ça. En revanche, elle a le soutien de sa mère, mais pas de son père, pour faire des études. Et ça, c'est vraiment déterminant, parce qu'elle est élève au lycée Molière, qui a ouvert dans le 16e arrondissement 30 ans avant. Les filles de la bourgeoisie libérale fréquente ce lycée Et elle a la chance d'avoir une professeure de français, mademoiselle Marie Dugard, qui est aussi autrice, qui est féministe, qui est protestante et qui va tirer Louise Weiss du côté des études, de l'ambition intellectuelle, au grand désespoir du père. Elle passe l'agrégation de lettres, elle y renonce tout de suite parce que elle serait nommée en province avec un salaire misérable par rapport aux critères de sa famille. Voilà, elle n'a pas vraiment envie d'être enseignante. En revanche, accumuler les diplômes, elle étudie aussi à Oxford. C'est pas la génération des pionnières, hein, mais c'est quand même encore assez notoire à cette époque. Bah oui, elle a la vingtaine dans ce qu'on appelle les années folles. Est très brillante. Elle est brillante, elle est fortunée, ce qui aide aussi énormément. Yves de Necher, après la Première Guerre mondiale, quand se négocie la paix, et que déjà il y a toute une réflexion sur comment éviter que la guerre revienne en Europe, elle est en observation de tout ça. Elle est même présente lors du traité de Versailles en 1919. Oui, elle va s'imposer, je ne vais pas dire facilement, mais rapidement, dans un monde d'hommes, qui est le monde des journalistes qui suivent la politique et qui suivent la diplomatie, les affaires du monde, comme on dit. Donc oui, elle assiste à l'arrivée du président Wilson, à la conférence de la paix. Surtout, et ça c'est à mettre vraiment à son crédit, surtout c'est qu'elle ne va pas se contenter, mais on l'a dit, hein, elle a des moyens, elle a des réseaux déjà en Europe. Et donc dès 1920, dès 1921, elle va faire des missions, elle va aller faire des reportages en Europe de centrale et orientale, à Moscou. Et donc, elle ramène, si vous voulez, véritablement des informations de première main. Elle veut comprendre ce qui se passe. Et dans son grand dilemme qu'elle exprime à beaucoup de reprises, c'est Moscou ou Genève, c'est-à-dire l'Europe. Eh bien, il y a la nouveauté du bolchevisme. Est-ce qu'il faut regarder vers Moscou? Alors, sa réponse est non, hein, je vous rassure tout de suite. Pour elle, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, l'autre alternative, c'est Genève, c'est-à-dire l'entente entre les nations. Et elle va aussi beaucoup s'engager, notamment dans certaines entreprises nationalistes, nationales, en Europe centrale, notamment pour la Tchécoslovaquie, pour l'union de la Tchécoslovaquie. Et donc, elle est vraiment au fait de ce qui se passe dans cette Europe. Et elle invite dans l'Europe nouvelle à faire des tribunes des gens aussi variés que Benito Mussolini, avant qu'il arrive au pouvoir, hein, en 1920, en 1919, le comte Sforza, par exemple, en Italie, mais aussi Édouard Benesch, soutient cette union des Tchèques, des Slovaques, etc. Et donc, véritablement, l'Europe nouvelle, c'est un lieu où on va réfléchir l'Europe, où on va penser l'Europe, où on va penser la paix. Aussi, parce qu'on n'en a encore pas parlé, mais cette dimension pacifiste qui est importante et qui est aussi issue de l'expérience qu'elle a eue de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, quand elle avait 20 ans. Oui, elle a observé à Saint-Quay-Portrieux en 1914 l'effet de la mobilisation des femmes et des hommes en pleurs et les hommes qui ne partent pas du tout la fleur au fusil. Elle a vécu aussi elle a dû être marquée par le suicide du frère jumeau de sa mère, qui, en tant qu'élu, présidait le conseil de révision et qui déterminait finalement qui ou pas allait s'exposer à une mort possible sur les champs de bataille. Et il s'est suicidé en se sentant incapable de continuer à faire ses choix. Il y a aussi tellement de jeunes hommes de sa génération qui meurent. Donc, c'est évidemment, elle appartient à cette génération. Et puis, l'Europe nouvelle, c'est concret au sens où, après la Première Guerre mondiale, la carte de l'Europe est dessinée. L'Empire d'Autriche-Hongrie disparaît. On voit bien que tout se redessine, mais l'Europe nouvelle, c'est aussi le nom d'une revue. En pleine guerre de 14-18, elle fonde un journal politique, l'Europe nouvelle, qui l'amènera aux conférences de Genève, où les grands hommes de l'époque se donnent rendez-vous à la Société des Nations. Louise Weiss y joint ses efforts à ceux d'Aristide Briand, le pèlerin de la paix. C'est la paix, étrange paix que celle-là, ratifiée et conclue au son lointain des canons qui tonnent encore dans tout l'Orient européen et l'Occident asiatique, au milieu de l'effervescence des nationalités en travail, effervescence politique, effervescence sociale, effervescence religieuse. Paix boiteuse, paix bancale, constate le Times dans son éditorial du 12 janvier. Paix inachevée, paix manquée, dirons-nous. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas réalisé l'idéal poursuivi par les vainqueurs, parce que ses négociateurs n'ont pas su appliquer avec l'énergie nécessaire les principes essentiels dont ils se réclamaient. Parce que, en un mot, ils se sont laissés déborder par les appétits déchaînés et les jeunes ambitions qu'ils avaient cru devoir satisfaire au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette paix précaire est inviable. Elle est inviable parce qu'elle a été échafaudée contrairement aux données impérieuses de la géographie, contrairement aussi aux lois économiques modernes les plus élémentaires. Maïwenn Guizhou qui lisait pour le cours de l'histoire sur France Culture cet extrait de la revue L'Europe Nouvelle le 17 janvier 1920 avec cet élément majeur, vous l'avez évoqué Yves Denecher, c'est la paix. Le pacifisme, mais aussi la conscience que la paix construite après la Première Guerre mondiale est une paix fragile avec tous ces nouveaux pays. Faut bien qu'ils s'entendent, ces pays-là, j'ai envie de dire qu'ils ne connaissent pas encore la démocratie. Ils n'ont pas vécu en tant qu'entité. Et c'est ça aussi qui porte toutes les réflexions de Louise Weiss et de tout son entourage. Cette revue, elle est formidable parce qu'on y trouve tout le monde, en fait. Ah ça, on y trouve tout le monde. C'est-à-dire que c'est très éclectique. C'est une vraie tribune. C'est un vrai espace de débat, en quelque sorte. La question de la paix, en fait, elle va vraiment, j'ai envie de dire, investir Genève et la SDN. Elle va y croire beaucoup. Elle parle d'un apostolat pour la SDN. Elle s'engage dans cet apostolat pour la SDN, vraiment, donc dans sa revue. Et puis, dans d'autres aussi articles qu'elle fait pour d'autres revues comme l'Information, etc. Elle va vraiment défendre cette idée de la SDN. Est-ce qu'elle en est vraiment convaincue? Est-ce qu'elle pense qu'il y a des limites? On vient d'entendre l'extrait, il est suffisamment éloquent. Mais ça la pousse en 1930 à créer une nouvelle école de la paix, c'est-à-dire un endroit où des gens pourraient venir apprendre, se confronter à ce qu'est la diplomatie pacifiste, etc. Et cet objectif, en quelque sorte, eh bien, il est malmené, évidemment, par la grande crise, la grande dépression qui arrive en Europe en 30 et en 31, évidemment par la montée de la menace nazie en Allemagne, l'arrivée d'Hitler au pouvoir le 30 janvier 33, et assez vite, finalement, elle va se désintéresser d'un combat qu'elle considère comme perdu. Elle dit qu'elle casse sa plume en 1934. Dans ses mémoires, les raisons sont un peu floues. Hein, on peut lire entre les lignes aussi qu'il y a peut-être d'autres explications que celles qu'elle donne, c'est-à-dire à quoi bon en quelque sorte. Et on s'étonne qu'elle jette comme ça le gant un peu tôt finalement. Hein. Mais à quoi bon continuer cette nouvelle école de la paix? À quoi bon continuer avec l'Europe nouvelle à professer ces idées de paix, d'entente entre les nations, etc., puisque il y a eu le fascisme qui arrive au pouvoir dès 22, mais surtout l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 lui fait considérer que la cause est perdue. Et elle va évoluer un peu comme d'autres européistes, finalement, vers cet abandon, finalement, de l'idée européenne assez vite. Donc, de 1918, début de l'Europe nouvelle, jusqu'à 1934, peut-être un peu 35-36, mais ce sont là ces années d'engagement pour les idées européennes et pour une construction d'une Europe vraiment nouvelle. Christine Barre, bien souvent, c'est vrai qu'on dit pour les années 20, on va chercher les causes de la montée du fascisme et puis du nazisme, parce qu'on connaît la fin. Mais si on se place en 1920, 22, 23, 24, on oublie bien souvent combien ces idées de paix étaient prégnantes dans les débats, dans les journaux, partout. Oui, avec toute une gamme de positions pacifistes. Elle, sa spécificité, c'est quand même de faire du journalisme diplomatique et de prendre position de ce combat en tant que journaliste éclairée, vraiment consciente, lucide sur les enjeux internationaux, parce qu'il y a des formes de pacifisme autres, plus ultra-pacifistes, plus sentimentales, ou bien guidées par des idées féministes. Parce qu'il y a une union féminine pour la SDN, il y a énormément, après la Première Guerre mondiale, de création d'associations féminines ou féministes, pacifistes, mais vraiment c'est énorme, c'est un mouvement sociopolitique dont on n'imagine pas aujourd'hui la force. D'ailleurs, féminisme et pacifisme, c'est presque synonyme hein, à l'époque. Il y a une sorte d'évidence hein, du pacifisme quand on est féministe. Mais Louise Weiss ne fait pas partie de ce mouvement-là. Pourquoi ? Elle a un pacifisme qui n'est pas dicté par une identité féminine ou féministe. Elle est du côté des hommes et des grands hommes qui font avancer la cause de la paix. Et des hommes avec qui elle dialogue, elle espère et elle veut dialoguer, j'ai envie de dire, à hauteur égale. Elle sait qu'elle a une certaine influence sur certains d'entre eux. Elle sait qu'on vient la solliciter quand certains hommes responsables politiques veulent faire passer certaines idées, etc. Donc elle est pleinement dans ce combat-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression finalement qu'elle tombe ou elle s'engage dans le féminisme une fois que le premier combat, c'est-à-dire celui du pacifisme, de la SDN, etc., une fois qu'elle a tourné cette page-là. Donc on a vraiment l'impression d'engagement en quelque sorte successif. Et comme dit Christine, en tout cas, il n'y a pas d'engagement pacifiste et féministe dans les années 20 pour Louisa Weiss. Ouais, c'est vrai que c'est notable ici avec sa proximité des grands hommes, des grands noms. Tendez bien l'oreille parce que nous sommes en 1929. C'est un discours d'Aristide Briand, discours à la Société des Nations. Il nous parle du désarmement. Mesdames, messieurs, premier délégué de la France, je viens cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la Société des Nations. Aristide Briand, en 1929. Oui, et c'est intéressant parce qu'il parle là du désarmement et... Un des autres facteurs qui fait que Louise Weiss perd la foi, j'ai envie de dire, dans le pacifisme, c'est l'échec, justement, des conférences de désarmement de 1931, notamment, etc. Donc, il y a la montée du nazisme, il y a sans doute des éléments aussi dans sa vie personnelle qui font que, et puis il y a cet échec du désarmement qui l'amène à tourner cette page et aller vers un autre combat, finalement, qui est celui du suffrage pour les femmes. Pour la paix, après la Première Guerre mondiale, est mise en place cette Société des Nations. On peut juste rappeler pourquoi c'est un échec. La Société des Nations, la création de la Société des Nations est compris dans le préambule du traité de Versailles. Traité de Versailles qui n'a pas été ratifié par les États-Unis. Et même si Wilson s'y est beaucoup engagé, ce qui fait que déjà les principes de la SDN, de la Société des Nations, reposent sur un certain nombre de valeurs qui ne sont pas portées par beaucoup de pays qui y participent. Les États-Unis n'en font pas partie, la Russie bolchevique évidemment n'en fait pas partie. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il se retire de la SDN très vite, le Japon aussi. Ce qui fait qu'on a un peu un club de pays européens essentiellement, pas que, hein, mais essentiellement européens, avec très peu de moyens, rien à voir avec ceux de l'ONU d'aujourd'hui. Donc cette ESDN, c'est une belle idée, une grande idée, où il va y avoir beaucoup de beaux discours, on en a déjà entendu, on pourrait en sélectionner beaucoup d'autres, mais qui effectivement n'a pas de pouvoir de prendre des sanctions. Donc quand on dit à un pays qui en agresse un autre, eh ben ça c'est pas bien. Nous vous condamnons véritablement, moralement, nous vous mettons au banc des nations, etc., etc. Mais sans sanction, et que ce pays peut se retirer de la SDN sans avoir rien à craindre, ou presque, parce qu'il y a quand même quelques sanctions, eh bien évidemment qu'on se rend compte de l'impotence, en quelque sorte, de cette SDN. Mais qui, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qui a quand même été un lieu où les idées européennes, les européistes ont pu s'exprimer véritablement. Oui, parce qu'il y a plein de biais pour s'exprimer, la Société des Nations, cette revue, l'Europe Nouvelle. Christine Barr, le parcours de Louise Weiss, parmi tous ces parcours de femmes de l'entre-deux-guerres, est-il un parcours exceptionnel? Vous l'avez dit, hein, féminisme, pacifisme chez elle, ce n'est pas lié. Vous êtes l'autrice de Madeleine Pelletier, mémoire d'une féministe intégrale. Là, on a un autre parcours de féministe. Il y a tant de parcours. En fait, on ne peut pas parler du féminisme comme d'un tout. Ça prend des chemins différents. Non, il y a une forte hétérogénéité. Et puis, on n'en est pas non plus au début du féminisme. Hein. C'est dans l'entre-deux-guerres, on n'est plus du tout à l'époque des pionnières. Même dans l'histoire des femmes journalistes, elle remonte loin, l'histoire des femmes journalistes. Il y a déjà des femmes journalistes bien connu au 19e siècle. Il y a une forte augmentation dans les années 20 hein, du nombre de femmes journalistes, même si bon, en 1965, on n'en est encore qu'à 15%. Mais Marie-Ève Terenti a bien montré que c'était une histoire riche et polyphonique, et avec beaucoup de diversité parmi les femmes journalistes, et des sortes de catégories aussi, y compris les catégories masculines du journalisme, dans lesquelles des femmes vont aussi s'illustrer. Et déjouer finalement la sectorisation genrée du journalisme. Alors, elle n'est pas une journaliste exceptionnelle, mais elle a quand même du pouvoir en tant que directrice d'une revue influente. Donc ça, c'est à souligner. Et puis en 1934, elle se jette dans le combat féministe avec tout un discours disant qu'elle est la première suffragette en France, qu'elle est la première à organiser des manifestations spectaculaires et médiatiques. C'est faux, mais c'est vrai qu'elle va redonner une sorte de dynamisme à une partie du féminisme. Et on est quand même très loin de Madeleine Pelletier. Il y a des univers parallèles dans les mouvements féministes. Hein. Madeleine Pelletier, à l'époque, elle défend la révolution sexuelle, le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit à l'avortement. On est très loin de Louise Weiss. Ah oui, avec Madeleine Pelletier, nous sommes face à un médecin. Elle est médecin et elle est porteuse de toute une idée beaucoup plus progressiste que ce que peut porter Louise Weiss, qui explique en 1976 le pourquoi. Comment elle est passée de son combat pour l'Europe au combat féministe ? Un jour, à Genève, consciente des périls, je vois monter à la tribune qu'avait occupé Briand, le pèlerin de la paix, Goebbels, autrement dit le porte-parole d'Adolf Hitler. Et qu'est-ce que je vois encore ? Les délégués de l'Assemblée applaudirent Goebbels, les mêmes qui avaient applaudi Briand. J'ai eu à ce moment-là le sentiment que la guerre était inévitable et que la Société des Nations pour laquelle je m'étais tant battue avec ma génération avait failli à sa tâche. Un chapitre de ma vie était clos et j'en ai entamé un autre en me disant que les femmes avaient leur mot à dire dans l'évolution de l'histoire et que comme elles n'avaient pas le droit de vote, qu'elles étaient en fait des citoyennes majeures pour leurs fautes mais mineures pour leurs droits, il fallait conquérir pour elles toutes le droit d'être des citoyennes à part entière. Essayons de conquérir pour elles ce droit de vote. Eh bien là, j'avais pris un très soigneux conseil des filles de la Lyonne suffragette anglaise, Mrs. Pankhurst. Et ces filles, qui étaient elles-mêmes des suffragettes patentées, m'avaient dit, pour faire sortir le féminisme de l'ornière, il faut que vous créiez des nouvelles, que vous attiriez l'attention publique sur la noblesse de votre cause. Ah oui, Christine Barr, c'est vraiment ce que vous expliquez. Elle écrit sa propre histoire. Alors on est en 1976 et ça correspond à la narration de sa propre vie dans les mémoires d'une Européenne. Louise Weiss se raconte et elle se présente comme héritière des suffragettes anglaises. C'est très intéressant, hein. C'est comme si elle faisait le pont qu'elle enjambait tout le mouvement féministe français. Voilà, qui n'a pas apprécié du tout. Elle écrit dans « Ce que femme veut », donc un des volumes de ses mémoires consacrés à la période 1934-1939. Il faut sortir des quelques salons où il se pavane et des ligues orthodoxes où il se momifie le féminisme. C'est quand même très cruel, très méchant. Elle va s'en prendre à Cécile Brunjvic, qui est l'extraordinaire organisatrice du féminisme suffragiste avec l'Union française pour le suffrage des femmes et ses sections locales. Elle est membre du Parti radical, ce qui irrite beaucoup Louise Weiss, alors qu'elle est plutôt de cette sensibilité-là. Hein. Elle s'attaque aussi à la Ligue française pour le droit des femmes de Maria Vérone. Elle fait comme s'il n'y avait jamais eu de candidature féminine et féministe aux élections, alors que ça existe depuis la fin du 19e siècle, comme s'il n'y avait jamais eu de manifestation spectaculaire, alors que dès Hubertine Auclair, dans les années 1880, on en a à Paris, alors qu'il ne recueille jamais autant de monde que les manifestations des suffragettes anglaises, certes, mais Louise Weiss n'attire pas non plus beaucoup de monde, en fait. Les photos circulent où on voit des sortes de happening, donc elle a su réaliser ça, mais au maximum, il y a une centaine de femmes autour d'elle. Hein. Mais c'est vrai qu'en 1934, 1935, 1936, avec une nouvelle association, elle a eu besoin de créer une nouvelle association, la Femme Nouvelle, de la diriger. Elle se voit comme un chef militaire, elle parle de ses lieutenants, avec... notamment une aviatrice, elle essaie d'occuper l'actualité, voilà, et elle y parvient, mais sans jamais renouveler l'argumentaire suffragiste. Je dirais même au contraire, parce que quand elle manifeste devant la Chambre des députés et devant les sénateurs en distribuant des chaussettes, en disant « ne vous inquiétez pas, nous continuerons à repriser vos chaussettes », c'est drôle, et en même temps, c'est aussi un rappel aux assignations sociales destinées aux femmes. Elle se fait voir, elle se fait entendre, notamment à Longchamp, le 29 juin 1936. Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Madame Louise Weiss, envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. Nous étions en 1936, mais dites-nous, Yves Denechère, on l'entend bien, il y a ce combat de Louise Weiss dans les années 1920 pour l'Europe, aux côtés de tous ces grands noms de l'Europe, Aristide Briand, entre autres. Il y a cette déception, la Société des Nations qui existe toujours, ne fonctionne pas très bien. Mais l'idée d'Europe dans ces années 1930, alors que le fascisme est en Italie, le nazisme est en Allemagne, ne disparaît pas quand même. Au moins, il y a l'idée de la paix. Alors, c'est complexe. Parce qu'il y a des européistes qui vont garder la foi, si j'ose dire, et véritablement défendre pendant toutes les années 30 qu'il y a encore peut-être une petite voie possible, mais par laquelle c'est un trou de souris. Il y a des européistes qui vont continuer à croire en l'Europe, mais plus tellement en l'Europe pacifiste, etc., mais en une Europe forte, une Europe structurée, et un certain nombre de ces européistes vont dévier véritablement et vont se retrouver dans des idées dans les années 40, de la Nouvelle Europe, là c'est plus l'Europe Nouvelle, mais de la Nouvelle Europe, qui est portée notamment par l'Allemagne nazie, par un certain nombre de fascistes, etc., etc. Il y en a beaucoup qui vont choisir de continuer le combat ailleurs, c'est-à-dire partir en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et puis, ces idées européistes, elles entrent en sommeil, de toute façon. Elles entrent en sommeil pendant cette deuxième partie des années 30, pendant le début de la guerre, après avec les organisations de mouvements de résistance. Alors là, des idées européennes resurgissent au niveau européen, justement, avec des échanges entre différents mouvements de résistance, etc. Et puis, on arrive après, en 1945, évidemment, où la donne est complètement différente. Louise Weiss, là-dedans, si vous voulez, et vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de cette période, elle se cherche un peu. Et c'est pas la partie, si vous voulez, de ses mémoires qui est la plus, comment dire, qu'on va suivre le plus facilement possible. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de reconstructions de sa part. C'est quoi son rôle dans la résistance? Est-ce qu'on peut la qualifier de résistante ou pas? Quel est son rôle vis-à-vis de Vichy, vis-à-vis des États-Unis à un moment donné. Là on entre dans une période, une parenthèse de flou, si vous voulez, qui va marquer durablement, finalement, la suite de sa vie. Ce qui fait que une des explications qui fait qu'elle ne participe pas finalement à la construction communautaire, c'est aussi parce qu'il y a ces ombres des années de guerre. Christine Barr. En tout cas, elle ne participe pas aux initiatives antifascistes si marquantes à partir du congrès Amsterdam-Pleyel. Tout ce mouvement, il est trop à gauche sans doute pour elle. Elle ne s'y retrouve pas. En revanche, elle va créer dans les années 30... contribuer à créer l'Union des femmes décorées de la Légion d'honneur. Donc il y a toujours cette recherche quand même de positions prestigieuses, de titres honorifiques. Et en 1939, elle crée le Centre de propagande pour la grandeur du pays également. Elle s'intéresse aux réfugiés. Elle travaille quand même pour le ministère des Affaires étrangères sur la question des réfugiés. Mais elle ne mène pas une lutte idéologique claire contre le nazisme, en tout cas dans ces années-là, il me semble. Et puis vous avez évoqué en début d'émission que du côté maternel, il y a des origines juives de sa part, parce que tout le questionnement ici au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça aussi, c'est oui. Ne pas entrer en résistance, la proximité avec Vichy, les origines juives, elle se situe comment ? Oui, alors elle va réussir à échapper à la nasse qui aurait pu se refermer sur elle, effectivement, et en faisant un certain nombre de démarches pour montrer que elle n'est pas juive au sens où on l'entend dans la législation, etc. Elle fait partie d'une famille où certains de ses frères, et notamment sa sœur Jenny, qui a 10 ans de moins, sont des résistants très engagés. Très, très engagés. Là encore, ce qui n'est pas son cas. Mais néanmoins, cette période-là, si vous voulez, je le redis, mais est un peu une parenthèse, est un peu une zone d'ombre, une zone grise, on va dire plutôt, qui fait que ça explique beaucoup de ces années postérieures à la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, tout est à reconstruire. Quant à la SDN, elle disparaît. Genève a retrouvé une animation oubliée depuis les mauvais jours de 1939. Animation un peu endeuillée car Genève assiste aux funérailles de la SDN qui vient d'y ouvrir sa dernière session. Au palais, Lord Cecil, l'un des piliers de l'organisme agonisant, a retrouvé des figures un peu oubliées depuis 1939. Et sans doute, ce ne peuvent être que des souvenirs que rappellent les anciennes grandes voix de Genève. Monsieur Ambrou, président de l'Assemblée, a annoncé la liquidation de l'organisme en qui les peuples avaient mis naguère tant d'espoir que l'ONU se doit de réaliser. L'immense palais de Genève, qui n'a pas su garder la paix, n'est plus déjà qu'un vaste cimetière où erre un garde, pareil, tout pareil, à un gardien de musée. Le journal des actualités françaises, le 11 avril 1946, la Société des Nations disparaît. C'est un moment intéressant ici parce que dans le même temps, vous avez une autre organisation qui se crée, mais alors là, pas du tout à l'échelle de l'Europe, bien sûr, c'est à l'échelle mondiale, c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Oui, effectivement, et Louise Weiss se cherche un petit peu en 1946-47. Ça veut dire qu'elle ne sait pas trop comment reprendre pied, finalement, dans un monde politique et journalistique qui a beaucoup changé et où, évidemment, tous ceux qui sont issus de la résistance jouent les premiers rôles. Et donc, elle va faire un certain nombre de voyages aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi un petit peu plus loin, du côté de l'Asie, etc. Où elle ramène un certain nombre d'informations et de reportages tout à fait extraordinaires, tout à fait bien faits. Elle cherche à voir comment elle peut se positionner finalement dans ce nouveau monde. Et finalement, ce qu'elle trouve, parce qu'on lui ferme un certain nombre de portes aussi, ce qu'elle trouve, c'est de partir faire des documentaires filmés avec des équipes de professionnels, etc. Elle va sillonner le monde pendant plusieurs années, au moment où, Schumann prononce le discours de l'horloge du 9 mai 1950 sur la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, au moment où s'ébranle, si vous voulez, la construction communautaire de l'Europe, et elle n'est pas là. Et elle n'en fait pas partie. Hein. Alors elle va essayer parce que évidemment elle voit bien que c'est une finalement mise en pratique d'un certain nombre de ses idées. Donc elle va essayer, elle va tenter évidemment d'accompagner ce mouvement, mais finalement elle aura beaucoup de mal à y participer. Christine Barr, c'est vraiment étonnant, hein, cette après-Seconde Guerre mondiale où les femmes obtiennent le droit de vote. Louise Weiss n'est pas ici dans cette histoire, et dans ces années 1950 où la construction européenne est lancée, et Louise Weiss n'est pas non plus dans cette histoire. Non, elle n'a pas de carrière politique, elle reste indépendante et fidèle aussi à sa vocation de journaliste aussi. Qu'est-ce qui l'attire de nouveau vers l'Europe ? Faut attendre quel moment ? Les années 1960 ? Alors vous nous avez dit qu'elle a imaginé être en 1965 candidate à l'élection présidentielle. Elle aurait été opposée au général de Gaulle et à François Mitterrand, c'est ça ? Exactement. Ça aurait été rigolo. Mais c'est quand l'Europe pour elle ? C'est compliqué parce que elle connaît très bien Jean Monnet, qui a été secrétaire général adjoint de la SDN et donc qu'elle a beaucoup pratiqué pendant les années 20 et les années 30. Et Jean Monnet est à la manœuvre parce que c'est lui qui inspire le discours de Schuman dont on vient de parler. C'est lui qui inspire beaucoup les constructeurs, ce qu'on appelle les fondateurs de l'Europe unie. Et donc elle est toujours en lien avec lui. Et elle offre ses services en disant « Mais pourquoi je ne tournerai pas un film sur les débuts justement de cette C4, cette communauté européenne du charbon et de l'acier, etc. » Et puis elle reçoit une réponse polie, et puis un film se tournera sur la CK, mais c'est pas elle qui va le tourner. Sans doute qu'il y a deux raisons à ça. Un, dès 1947, quand De Gaulle accepte qu'on crée un mouvement qui s'appelle le Rassemblement du Peuple Français, le RPF, elle en est. Dès 1949, elle est membre de la commission des affaires étrangères du RPF. Elle est membre du bureau national du RPF. Donc en fait, elle est membre d'un parti qui ne soutient pas la construction européenne, qui ne soutient pas la CECA, qui ne soutiendra pas le traité de Rome. Donc ça, c'est une première explication. Alors qu'il y a d'autres gaullistes, notamment des femmes, Marcel Deveau, Irène de Lipkowski, qui s'engage pour la construction européenne à ce moment-là, vous voyez. Mais elle va rester finalement dans une position très très partisane, au sens qu'elle appartient à un parti qui est opposé. Puis il y a une deuxième raison, à mon avis, c'est que le 19 juin 1940, Monnet part pour Londres et il propose à Louise Weiss de monter dans l'avion. Et Louise Weiss ne part pas avec Jean Monnet à ce moment-là. Le 19 juin 1940, je ne resitue pas le contexte, mais évidemment, c'est celui de la défaite face aux armées allemandes. Donc, vous voyez, il y a au moins ces deux raisons-là qui expliquent que, ben, finalement, elle n'est pas une actrice de la construction européenne communautaire telle qu'elle se fait dans ces années 50. Elle a été une précurseur, incontestablement, et avec une force et une conviction qui mérite d'être saluée. Mais comme on vient de le dire, elle n'a pas de rôle politique. Or, qui construit l'Europe au début des années 50 ? Ce sont des présidents du Conseil, ce sont des ministres des Affaires étrangères, allemands, italiens, français, néerlandais, belges, etc. Et elle est en marge. Christine Barr, on voit bien ici qu'on a un destin individuel lié à un milieu social, et notamment l'argent, ça aide beaucoup, avec énormément d'initiatives de la part de Louise Weiss. Elle veut faire des choses, elle crée ici des associations, la revue, le journalisme, les films, hein, et des films qui tiennent à l'ethnologie. Il y a une volonté d'agir. C'est vraiment ça aussi qui trace ce chemin, ce destin. Oui, bien sûr, et c'est quand même assez remarquable tout au long de sa vie. Hein. Maintenant, elle est loin d'être la seule femme. Elle aura été quand même très limitée par le fait qu'elle est une femme. Il y a des tas d'opportunités qui n'ont pas pu exister pour elle parce qu'elle était femme. Elle a dû en souffrir beaucoup. J'aime beaucoup cette analyse-là, c'est-à-dire l'analyse en négatif, en disant si elle avait été un homme avec cette fortune-là, elle aurait fait une carrière politique. Enfin, cette fortune, surtout ce cerveau-là, cette intelligence, ce formatage aussi par l'éducation dans ce type de milieu. Voilà, elle n'a pas pu faire la carrière qu'elle aurait pu faire si elle avait été un homme, c'est clair. Oui. Et peut-être que finalement, c'est quand, dans les années 40-50, elle parcourt le monde pour faire ces beaux reportages sur des cérémonies hindouistes, bouddhistes, musulmanes, etc. Où elle franchit des portes ou en tant que femme. Georges Bourdelon, qui est son documentariste, qui l'accompagne, un réalisateur qui vraiment pendant très longtemps va l'accompagner, a raconté comment il était absolument subjugué par ça. C'est-à-dire que, oui, elle arrivait à faire rentrer dans les mosquées une équipe de tournage, etc. Donc, peut-être que c'est à ce moment-là, finalement, qu'elle a réussi à dépasser le plus les barrières de genre qui étaient finalement les siennes. Et nous comprenons pourquoi en 1979, au moment où elle est élue au Parlement européen, et puisqu'elle est la plus âgée, la doyenne, elle devient présidente, sa joie est immense. Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. Je vous demande votre accord. Je vous demande votre accord que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle ait brillé aux cieux de notre civilisation en travail de rajeunissement et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale. Dans son discours devant le Parlement européen en 1979, Christine Barr dit quelque chose de très fort. Au moment où l'Europe s'est construite sur une union économique, à l'origine, le charbon, l'acier, elle rappelle que la culture est essentielle pour unir les Européens. Il faut se sentir européen pour être européen. Oui. Mais c'est juste, et elle y aura contribué. Hein. C'est par exemple une femme qui a quand même beaucoup écrit. Et là, c'est encore une autre de ses déceptions. Elle aurait aimé entrer à l'Académie française. Elle tente des candidatures en 1975 et elle n'y est pas admise. Oui. Mais elle a beaucoup de reconnaissance en termes de prix, d'invitations, internationales, etc. Et le discours qu'on vient d'entendre, il y a beaucoup d'élus au Parlement européen en 79, c'est la première fois que c'est au suffrage universel, qui se souviennent de ce discours. Quand j'avais écrit « Ces Françaises qui ont construit l'Europe », il y en a beaucoup qui me disent Marie-Claude Vessade, Françoise Gaspard, qui était sociologue et qui a été élue, membre du Parti Socialiste, m'ont raconté en disant « Ah oui, quand on a entendu ce discours, on savait qu'on vivait un morceau d'histoire, etc. » Mais quand on regarde le contenu du discours, il est quand même un peu rock'n'roll, quoi. Il est quand même un peu décalé. Quand elle parle des trois Karls qui ont fait l'Europe. Oui. Charlemagne, Karl Marx, Charles de Gaulle. C'est un Karl aussi. Quand elle fait beaucoup de références justement à l'importance de la natalité, etc. Il y a beaucoup de... Alors, on écoute le discours de Louise Weiss et on applaudit le discours de Louise Weiss parce que elle est, comme vous l'avez dit en tout début d'émission, celle qui a traversé le siècle, etc., et sa vocation de jeunesse accomplie. Voilà. Mais sur le fond, tout comme pendant la campagne électorale d'ailleurs, elle qui était contre la loi sur l'IVG et la loi Veil, dit qu'elle se refuse à combattre Madame Veil. Elle dit « Weiss Veil, il y a des assonances que certains voudraient prendre pour des dissonances ouais. ». Donc, son message politique, puisque là, du coup, elle a un mandat d'élu, il n'est pas toujours très clair. Mais c'est sa liberté. C'est sa liberté. Et c'est pour ça aussi qu'elle est reconnue à ce moment-là, avec toute la personnalité qui est la sienne, et avec des idées européennes qui semblent puiser effectivement 60 ans en arrière. Bon, si nous voulons lire les mémoires de Louise Weiss, les mémoires d'une européenne, il faudrait une édition critique. Je l'entends ici, une édition critique. Bah, en attendant, pour avoir une belle édition critique, il y a celle de Madeleine Pelletier, mémoire d'une féministe intégrale, édition critique par vos soins, Christine Barr, et ce dictionnaire des féministes également que vous avez dirigé. Merci vivement à tous les deux. Yves de Necher, Christine Barr, l'Université d'Angers présente dans la place, le laboratoire Temos Temps Monde, société du CNRS. Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté ce parcours. parcours féministe et européen. Merci beaucoup. Il est temps pour merci nous vous. De retrouver Jaran O'Ariel, c'est le pourquoi du comment. Thanks for your attention. Danke, grazie, danku, tak, et bienvenue, Force. Oui, bienvenue, et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur. Pourquoi Napoléon III fut-il rendu responsable de l'exécution de l'empereur Maximilien ? Nous étions au début de l'année 1867. La deuxième exposition universelle organisée à Paris, après celle de 1855, battait son plein. Pourtant, le 3 juillet, toutes les festivités prévues ce jour-là furent ajournées, car le Moniteur, le journal officiel de l'époque, venait d'annoncer une bien triste nouvelle. L'archiduc Ferdinand Maximilien, le frère cadet de l'empereur François-Joseph, qui régnait alors sur le royaume d'Autriche-Hongrie, venait d'être fusillé au Mexique. Pour comprendre pourquoi les autorités françaises manifestèrent une telle compassion pour cette disparition, il faut rappeler le rôle que Napoléon III joua dans l'étrange destinée de ce descendant des Habsbourg. Au début des années 1860, l'empereur des Français fut sollicité par un petit nombre d'aristocrates mexicains qui venaient d'être chassés de leur pays par une révolution qui les avait privés de leurs privilèges. Napoléon III se mit alors en tête d'instaurer dans ce pays catholique et latin une monarchie qui contrebalancerait l'influence croissante des États-Unis sur le continent américain. Il proposa à Maximilien d'Autriche d'occuper le trône qu'il dresserait à Mexico dès que les troupes françaises auraient chassé les guérilleros républicains. En juillet 1864, après de durs combats livrés par les soldats du général Bazaine, Maximilien put effectivement faire une entrée triomphale à Mexico. Mais malgré l'engagement d'un corps expéditionnaire français de près de 30 000 hommes, il ne put venir à bout de la résistance des troupes républicaines ni d'un puissant soulèvement populaire. Napoléon III décida alors de retirer ses troupes, ce qui permit au président Benito Juárez de reprendre le contrôle de son pays. Maximilien, ayant refusé d'abandonner son trône, fut capturé, jugé par une cour martiale, condamné à mort et exécuté. Il fut ainsi la principale victime d'une double erreur tragique. La première résultait des préjugés dynastiques qui ne voyaient dans le peuple qu'un ramassis de sujets prêts à obéir à n'importe quelle tête couronnée. La seconde erreur tenait au présupposé des élites européennes, incapables de comprendre les réalités d'un pays de 10 millions de Mexicains, 5 millions d'Indiens et autant de Métis, qui n'avaient pas encore été vraiment touchés par l'occidentalisation du monde. La mort de Maximilien fut sans doute un tournant dans l'histoire du Second Empire. En 1866, Napoléon III était resté passif devant l'écrasement de l'Autriche par la Prusse lors de la bataille de Sadowa. Cet effacement fut une humiliation sans précédent qu'il essaya d'effacer en se lançant dans une aventure mexicaine qui se retourna contre lui. Comme le nota un observateur de l'époque, la responsabilité de la mort de Maximilien revient, en définitive, à celui qui abusa de sa position et de sa jeunesse pour le jeter dans une entreprise d'aventurier où il devait l'abandonner plus tard, c'est-à-dire à Napoléon III. Il la porte devant l'histoire. L'opposition républicaine française salua la victoire de Benito Juárez, car elle fut perçue comme un signe supplémentaire de l'écroulement du Second Empire qui se produisit effectivement à Sedan le 4 septembre 1870. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Mayouen Guizhou, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viodès, Jeanne Copet et Mathieu Copal. Le cours de l'histoire est à retrouver à podcaster sur notre série France Culture, sur notre site franceculture.fr et l'application Radio France où vous pouvez retrouver toutes les séries du cours de l'histoire.